équerre grand moy bi amna équerre yu mag yi ci nek 24 24 paquets 24 pièces yani équerre yu ki ni bu ngandé bobu benn bi mi ngi ma diké 71 francs CFA équerre yu ngandé yi 24 24 mo nek ci biir au total équerre yi ñi ngi ci bind queen Q U E E N queen 71 francs CFA.